Ici la voix de l'eau de la vie. Le Christ a dit, « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Apocalypse 21, 6. Je te salue cordialement à ce programme en te souhaitant la bénédiction de Dieu. Partie 1. Rayonnement de la lumière divine. Jean 1, 1 à 4, 54. A. L'incarnation de la parole de Dieu en Jésus. Jean 1, 1 à 18. 1. L'essence et l'œuvre de la parole avant l'incarnation. Jean 1, 1 à 5. Jean 1, 1. 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. L'homme exprime ses pensées et ses intentions en paroles. Vous êtes ce que vous dites. Vos paroles sont un résumé de votre personne et la manifestation de votre esprit. Dans un sens plus large, la parole de Dieu exprime sa divinité et sa puissance à l'œuvre dans sa parole sanctifiée. Car, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre par le souffle de sa puissante parole, et lorsqu'il dit « soit », cela fut. Jusqu'à aujourd'hui, la puissance de Dieu se manifeste dans ses paroles. Avez-vous réalisé que l'évangile que vous avez entre les mains est rempli de l'autorité de Dieu? Ce livre est plus puissant que toutes les bombes à hydrogène, parce qu'il élimine le mal en vous et développe ce qui est bien à la place. Dans l'évangile de Jean, l'expression « la parole » a deux significations en grec. 1. Le souffle qui porte le son hors de notre bouche. 2. Un être spirituel, masculin. En arabe, ces deux significations se distinguent par le genre du verbe qui suit la parole, soit au féminin ou au masculin. Christ vient du Père comme un mot normal sort de notre bouche. Ainsi, Christ est la somme de la volonté de Dieu et de sa pensée. Nous retrouvons cette utilisation dans d'autres religions, à savoir que Christ est la parole de Dieu et l'Esprit émanant de lui. Aucun être humain ne possède ces caractéristiques célestes à part celui qui est né de la Vierge Marie. L'incarnation de Christ à Bethléem n'était pas le commencement de sa vie, car il était avec le Père depuis toute éternité, et il existait avant que le monde ne soit créé. Christ est éternel, tout comme le Père est éternel. Il est immuable, tout comme la parole de Dieu. Jean nous montre une relation fondamentale entre Christ et son Père. Il ne s'est pas séparé de lui, contrairement à la parole qui sort de notre bouche et ce Père dans les airs. Christ est resté avec Dieu et a demeuré en lui. L'expression « avec Dieu » signifie en grec que la parole se dirigeait vers Dieu, entrait en lui. Christ était donc toujours dirigé vers Dieu. C'est l'attitude de tous ceux qui sont nés du Saint-Esprit, car il est la source de l'amour. Et l'amour ne cherche pas l'indépendance, mais il reste dirigé vers sa source et demeure en elle. Dieu n'a pas créé Christ par sa parole à partir de rien, comme les autres créatures, mais le Fils lui-même est la parole qui crée, et il est rempli de l'autorité de son Père. À la fin de ce premier verset, nous trouvons la déclaration décisive que la parole était Dieu lui-même. L'évangéliste nous fait comprendre que Christ est Dieu, né de Dieu. Lumière, né de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré et non pas créé. D'une essence unique avec le Père, éternel, puissant, saint et miséricordieux. Quiconque confesse que Christ est la parole de Dieu sera d'accord avec cette expression sur sa divinité. Prière. Seigneur Jésus-Christ, nous nous inclinons devant toi, car tu étais avec le Père depuis toute éternité, toujours dirigé vers lui. Aide-nous à ne pas être indépendants de toi, mais à nous offrir à Dieu et à demeurer dans son amour. Nous te remercions, Seigneur Jésus, parce que dans ton évangile tu viens à nous avec des mots compréhensibles, nous révéler ton autorité afin que nous y croyions par la foi, par l'intermédiaire de ta parole. Question 6. Quel est le mot principal du premier verset de Jean 1 et quelle est sa signification? Jean 1, 2 à 4. 2. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Christ n'a pas vécu pour lui-même, mais toujours pour Dieu. Il ne s'est pas séparé de son Père, mais était toujours dirigé vers lui, vivant avec lui et demeurant en lui. Cette attitude de Christ centrée sur son Père était d'une telle importance pour Jean qu'il la répéta. Cette unité permanente entre Christ et son Père est le secret de la Sainte Trinité. Nous ne croyons pas en trois dieux, indépendants, séparés les uns des autres, mais nous croyons en un seul Dieu, plein d'amour. Maintenant, l'Éternel ne vit pas seul, mais son Fils est toujours avec lui, vivant avec lui, en parfaite harmonie. Si quelqu'un n'a pas expérimenté l'amour de Dieu, en recevant le Saint-Esprit dans son cœur, il ne pourra pas saisir la vérité de l'essence de Dieu. L'amour divin est ce qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit en un seul Dieu. Au commencement, lorsque Dieu créa le monde, il ne le fit pas seul ni dans le silence. Il lui donna plutôt la vie par sa parole. Puisque Christ était la parole de Dieu, le monde fut créé par lui. Cela signifie que Christ est non seulement le Sauveur, l'Avocat et le Rédempteur, mais aussi le Créateur. Puisque rien ne se passe sans son intervention, il contrôle tout. Béni soit le cœur qui parvient à comprendre et à saisir qui Christ est. Toutes les découvertes scientifiques modernes, toutes les particules élémentaires et les corps stellaires ne sont rien que d'humbles interprétations de la gloire de Christ et de sa puissance. Votre voix, vos muscles, votre forme corporelle et les battements de votre cœur sont, entre autres, des cadeaux que Christ vous fait. Pensez-vous à le remercier? Toutes les choses ont été créées à part Dieu, sa parole et son esprit. Il est lui-même vivant, éternel et saint. Tout comme Dieu a la vie en lui, de même Christ est la source de la véritable vie, celui qui donne la vie, qui nous délivre de la mort, de la culpabilité et du péché, et nous donne sa vie éternelle. Cette vie divine, en Christ, a triomphé de la mort. Il est sorti du tombeau par la puissance de sa vie divine. Christ est non seulement le Créateur, mais il est en lui-même la source de la vie. Dans la mesure où il est saint, il ne mourra jamais. Aucun péché ne se trouve en Dieu, ni en son Fils, et il est vivant pour toujours. Nous découvrons plusieurs réflexions sur la vie de Christ dans des chapitres de l'Évangile de Jean. Cette vie est l'un des fondements de ses principes. La lumière donne du soleil, donne vie à notre planète Terre, mais en ce qui concerne Christ, le contraire est vrai. Sa vie est la source, car la lumière et le renouveau que nous expérimentons en lui renouvellent notre espérance. Notre religion n'est pas la religion de la loi de la mort et du jugement, mais le message de vie, de lumière et d'espérance. La résurrection de Christ d'entre les morts a banni tout désespoir. Le Saint-Esprit, demeurant en nous, nous rend participants à la vie de Dieu. Le monde est sombre à cause du péché, mais Christ est amour dans la lumière. Il n'y a ni ténèbres, ni méchanceté, ni mal en lui. C'est pourquoi Christ apparaît dans toute sa gloire. Il brille plus que la lumière. Pourtant, Jean ne commence pas par relever la gloire éclatante de Christ, mais souligne sa force et sa vie. Car la connaissance de la sainteté de Christ nous expose, nous juge et nous détruit. En revanche, la perception de sa vie nous donne la vie. Méditer sur Christ nous réconforte et nous renouvelle vraiment. Si tu as des questions ou bien si tu veux réagir à cette émission, je t'invite à nous écrire à l'adresse suivante. L'eau de la vie, Waters of Life, boîte postale 600513 à 70305, Stuttgart, Allemagne. Si tu as accès à un ordinateur, tu peux écrire à notre adresse e-mail info@waters-of-life.net. Si tu nous écris, nous sommes prêts à t'envoyer un petit livre cadeau. N'oublie pas d'ajouter ton nom et ton adresse complète, lisiblement écrit. C'était la voix de l'eau de la vie. Le Christ a dit, « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Apocalypse 21, 6.